Bois a donc vécu de nouvelles heures de violence hier soir au lendemain de la mort de deux adolescents qui tentaient d'échapper à la police. Des bandes de jeunes se sont opposées aux forces de l'ordre. Un fourgon de CRS a même été la cible d'un tir à balles réelles. Comment, Sider ? Bonjour et bon réveil si vous vous réveillez avec un autre jour est possible en ce lundi 2 novembre 2015. 10 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois et à quelques jours des élections régionales, on va s'intéresser cette semaine à la Seine-Saint-Denis, le département le plus emblématique des banlieues paupérisées dont on parle depuis plus de 30 ans. Toute cette semaine donc, le sociologue Karim Amou nous donnera à entendre à travers les textes de rap la situation socio-économique de ce territoire français. Seine-Saint-Denis, point de vue râpé, c'est dans un instant le premier épisode. Cette semaine est aussi celle des prix littéraires. Le Goncourt et le Renaudot, c'est pour demain, et les autres prix suivront. Notre parti pris dans un autre jour est possible est de faire plutôt une sélection des premiers romans de l'année et aussi aux écrits de jeunesse, avec aujourd'hui en deuxième partie les kits du Bandit Blog, Mehdi et Badrou qui publient au seuil Burnout. Demain, c'est Olivier Py qui a certes déjà publié plusieurs livres, mais Actes Sud vient de publier son journal de jeunesse, le cahier noir de ses 17 ans. Mercredi, on parlera de ce qui peut être considéré comme la révélation des premiers romans de cette année, 111 d'Olivier de Mangel, et salué par Éric Chevillard et surtout édité par un jeune éditeur, La Fanfare. Et puis, jeudi, ce sera Anne Dufour-Mantel qui publie son premier roman chez Albin Michel, L'Envers du Feu, qui sera notre invitée. Et puis enfin, vendredi, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et ce vendredi, on recevra Étienne Dao, oui, l'homme qui chante, qui devient aussi un personnage de bande dessinée. Un autre jour est possible, c'est tous les matins, tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. C'est ma bombe, bébé. Du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clandos. Saint-Denis, ville sans égale. Saint-Denis, ma capitale. Saint-Denis, ville peu banale. Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute. Halal. J'espère qu'on t'a convaincu. Et si tu nous traites de parisienne, je t'enfonce mon archet dans l'œil. C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle, partout et de retour au Artout. C'est parti, ça vient de Saint-Denis, direct, issu de la génération funky taquini. Pas de soucis, non pas de chip ici, pas de chichi si tu dérapes, on te chie dessus. Trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont étiquetés, peura, mais c'est comme ça qu'on nique tout. Le bénéf, le business, mais c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'embraissent. Et ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop, et tout cela je les stop à base de pop pop pop pop. Saint-Denis, fous donc ton gilet pare-balles à base de pop pop pop pop. Et pour le hip-hop je développe la Seine-Saint-Denis, c'est la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au DB. La Seine-Saint-Denis, point de vue râpé, avec le sociologue Karim Amou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous travaillez au CNRS. Vos recherches actuelles portent sur les rapports de pouvoir dans les industries musicales. Et vous êtes l'auteur d'une histoire de rap, ouvrage de référence édité par La Découverte. Vous êtes par ailleurs l'animateur du blog Sur un son rap. Et on est ensemble toute cette semaine pour parler à travers les textes de rap produits dans ce département de la situation actuelle. Aujourd'hui, premier épisode, les enfants oubliés de la République. Est-ce qu'on peut toujours utiliser cette expression, Karim Amou ? Oui, on peut toujours utiliser cette expression si on considère notamment les... facteur de présence et de soutien à la jeunesse du pays que doit incarner la République. On peut penser aux services publics, à l'éducation nationale. Depuis plusieurs mois maintenant, pour prendre un seul exemple, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis plus exactement, les bonnets d'âne tentent de faire pression pour obtenir que la scolarisation en Seine-Saint-Denis soit au même niveau en termes de temps d'enseignement que dans le reste, dans les autres départements de France. On va parler surtout du rapport à l'État, à la police, aux institutions. Qu'est-ce qui a changé depuis les émeutes de Clichy-sous-Bois, Karim Amou? Si on examine un petit peu les enquêtes sociologiques qui ont été faites depuis 10 ans, on se rend compte que peu de choses ont changé finalement. Les dispositifs policiers, la façon dont le contrôle social s'exerce est relativement similaire depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc on est plutôt dans une continuité que dans une transformation par rapport aux conditions de tension qui peuvent exister entre jeunesse des quartiers populaires et police qui avait préparé le terreau des émeutes de 2005. Et la population de Seine-Saint-Denis, comme d'ailleurs la population française, est marquée par de multiples clivages. Et c'est peut-être une des choses qui explique la situation singulière de la Seine-Saint-Denis, c'est le degré d'inégalité qu'on peut y observer, à la fois au sein du département et aussi dans les proximités entre ce département d'Île-de-France et les autres départements de l'Île-de-France. En premier lieu, un département comme les Hauts-de-Seine, qui est un des plus riches de France, ou le département de Paris, la ville de Paris elle-même. Est-ce qu'on peut parler d'effet miroir avec le rap ou l'expression qui passe par le rap, Karim Amou? L'échelle de l'ensemble des quartiers populaires français depuis 30 ans, on peut parler d'une sorte d'effet miroir, ou plus exactement, moi je proposais de parler d'effet de boucle, c'est-à-dire que beaucoup de discours médiatiques sont produits qui désignent les banlieues, qui les assignent à certaines propriétés sociales, et les rappeurs ont très tôt, au tout début des années 90, été embarqués dans ces mécanismes d'assignation, et depuis cette position assignée, ils ont répondu, retravaillé l'assignation, et donc oui, ils répondent parfois à leur corps défendant pour un certain nombre d'entre eux depuis les banlieues. Alors vous avez fait un choix de texte de rap pour parler de la Seine-Saint-Denis, puisqu'aujourd'hui on parle des enfants perdus de la République, c'est-à-dire plutôt de ce rapport conflictuel à l'État, à la police, aux institutions. On va commencer par Kazé et le morceau « Purger ma peine ». Que vous avez choisi, donc Karim Amou. Oui, c'est le groupe de rock Zone Libre en featuring avec Kazé, en collaboration avec Kazé et Amé de la Rumeur. C'est une rencontre à la fois très intéressante musicalement, très puissante esthétiquement, à la fois une écriture assez reconnue comme assez exceptionnelle, celle de Kazé, et en même temps un morceau qui est assez classique dans ses thématiques, même si la forme est très originale, un morceau classique dans ses thématiques sur la marginalisation, la souffrance et les violences, le sentiment et le ressenti des violences policières. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau ébène. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La hargne est dans mon sang, mes veines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. On dit que ma cité n'est pas le défouloir de flics ailés, un triste défilé d'abus de pouvoir. Et mon itinéraire n'est ni mort, ni tout noir, ni bétonné, ni à mille bornes des plus beaux territoires. Mon teint n'est pas non plus maintenu sous le tonnerre. Attendons le meilleur, commençons les prières. C'est vrai que c'est déjà la rencontre du rock et du rap, là. Tout à fait. C'est une rencontre qui est à la fois très, très contemporaine. C'est un morceau qui est postérieur cette fameuse année 2005 dont on parle aujourd'hui. Mais en même temps, ça s'inscrit dans une longue tradition de rencontres entre rap et rock qui remonte aux États-Unis au moins au groupe Run DMC. Donc on est dans des échanges et des rencontres artistiques de anciennes. Mais au niveau des paroles, cette fois, et de la profération, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette chanson, c'est le jeu assez emblématique de beaucoup de morceaux de rap français entre plusieurs voix. C'est-à-dire que c'est à la fois une chanson qui parle de ce que le personnage principal ressent et à la fois de ce qu'on dit de lui. Et les discours s'en mêlent jusqu'à un point où on ne sait plus qui dit quoi. On ne sait plus vraiment quel est le point de vue de la personne qui est mis en scène dans cette chanson, et on ne sait plus exactement ce qu'est le point de vue imposé à cette personne. On dit que je suis, etc. Quelle conclusion tirez-vous de ça ? Un très beau morceau pour aborder la question du vécu des discriminations racistes, des violences policières et de la crainte des violences policières et du contrôle social. Et d'une façon générale, un morceau qui interroge la question de l'oppression et de l'aliénation depuis le point de vue des classes populaires racisées. Un point de vue qui finalement n'a pas tant l'occasion que ça d'avoir droit au chapitre dans les sphères publiques françaises. Classe populaire racisée, dites-vous, Karim Abou. Oui, classe populaire, parce que on a bien une expérience ancrée en premier lieu dans une condition ouvrière, dans une condition de déficit économique, de marginalisation sociale et en même temps de travail. Et en même temps, on a ce stigmate supplémentaire qui est lié à la couleur de la peau. On a beaucoup travailler, interroger pendant des années. Alors, de quoi faut-il parler ? Enfants issus de l'immigration, de quoi faut-il parler ? Étrangers. Et puis, on se rend compte qu'en réalité, quelle que soit la énième génération dont on parle, les problèmes sont globalement les mêmes. Et on se rend compte qu'un des marqueurs centraux, en tout cas dans une chanson comme celle de Cazet, c'est bien la peau ébène, c'est la couleur de la peau. Et pour nommer les choses telles qu'elles sont, c'est le racisme. Et donc, le racisme qui peut toucher des personnes qui, en réalité, n'ont plus de lien avec l'immigration au sens où on l'entend. Tellement ancien, un lien tellement ancien qu'il ne fait plus sens au premier lieu. On parle bien de personnes qui subissent un racisme structurel et en ce sens, on peut parler de personnes racisées. C'est une œuvre dans laquelle la forme est centrale. La musique est évidemment prégnante aussi dans ce morceau, hein, ces guitares saturées, cette ambiance oppressante. Et donc, on est bien sur une œuvre adressée qui s'ancre dans l'expérience située de ces classes populaires racisées, de ces personnes situées dans des territoires pauvres et subissant un racisme structurel, mais en même temps mis en forme d'une telle façon que n'importe qui peut être touché, comme on le dit d'ordinaire de toute œuvre d'art. Est-ce que les émeutes de 2005 ont changé quelque chose dans la nature du rap ou même dans les paroles des rappeurs ? Non, je ne crois pas que ça ait changé quelque chose fondamentalement. Et en même temps, c'est bien des événements qui sont très présents dans les paroles de nombreuses chansons. C'est-à-dire que la question au cœur des révoltes de 2005, la question de la mort de Ziyad Bena et Bouna Traoré, la question des violences policières, la question des émeutes urbaines, des violences qui ont suivi, ces questions-là sont interrogées et pointé du doigt et élaboré esthétiquement depuis au moins le milieu des années 90 par les rappeurs. Le morceau emblématique à ce sujet souvent cité vient aussi de la Seine-Saint-Denis et c'est « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu » de NTM qui en 1995 parlait déjà de ces questions. Alors justement, aujourd'hui, s'il fallait faire un bref retour sur les 10 dernières années, on n'a jamais eu autant d'affaires de rappeurs avec les politiciens, qui passent bien sûr par la case de justice, hein, avec les politiciens, avec les journalistes, avec les intellectuels, avec les polémistes. Oui, c'est un signe des temps. C'est un signe des temps, c'est une évolution très significative de plusieurs tendances. D'abord, une évolution à une forme de durcissement du débat public autour de la question des quartiers populaires et des groupes racisés en France. C'est la question aussi d'un virage à droite des politiques nationales et dans une certaine mesure des politiques locales aussi. L'acte, on pourrait dire, marquant de cette évolution-là, c'est la dénonciation par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, au début des années 2000, de groupes de rap, et en premier lieu Sniper et La Rumeur, qui a subi un feuilleton judiciaire de près de 9 ans avant d'être relaxé pour des paroles écrites dans un fanzine au sujet des violences policières. Donc ça, c'est la première tendance, c'est une évolution... Une évolution à droite du paysage politique, de l'échiquier politique et aussi du paysage intellectuel. Et je pense que l'autre évolution dont il faut parler, c'est la présence de plus en plus forte et affirmée d'autres voix, dont le rap d'un point de vue avec une approche esthétique est l'un des symboles les plus forts, mais qui n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'on a de nouveaux acteurs qui prennent la parole dans des espaces publics et qui proposent d'autres conceptions, d'autres visions, par exemple sur la question des contrôles aux faciès ou des choses comme ça. Et donc, il y a un durcissement du débat public dont le rap est emblématique et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce caractère emblématique du lien entre rap et banlieue au fil des émissions. Merci beaucoup, Karim Amou. On se retrouve demain à la même heure pour notre série consacrée à la Seine-Saint-Denis. je dors, le jour, je ris, à peine. Je sors de ces tours que l'on met en quarantaine. Je suis de ces parasites dont on parle à l'antenne. Moralité, la sécurité des lieux n'est pas certaine. Je crame, je brûle, je hurle, je gueule. Je traîne en ville, en bande ou même déambule seul. J'ai un rôle colossal, à la cave et au sous-sol. Je recherche l'étincelle, mais j'ai paumé ma boussole. Alors je bois, je fume, je noie ma flemme. Je crois aux flammes, j'acclame la haine. Mes larmes et mes peines n'impressionnent personne. Et on me traite de hyène sur toutes les ondes hertziennes. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Finalement, le réveil se met à sonner. Il est peut-être 7h. France Info, une journaliste, toujours la même. Elle reprend sa respiration et désarticule. François Hollande sera à partir d'aujourd'hui, et ce pour 48 heures, en visite officielle en Inde. Elle balaie l'info sans intérêt. Les informations n'ont aucune consistance, ou peut-être qu'elle ne leur donne aucun relief. Elle serre les plats, comme on dit. Elle poursuit, la voix aussi entre un attentat suicide et la maternité de Penelope Cruz. Demain, elle prendra la même voix, comme si elle avait honte que son cœur batte encore. Et demain, ce sera un homme en feu, ce sera mon histoire. Elle dira, un homme s'est immolé ce matin devant une agence Pôle emploi de Nantes. Et puis elle enchaînera, avec un micro-trottoir sur l'austérité, la mort d'un patron du CAC 40, un cimetière musulman profané. Je ne vaux pas grand-chose, finalement. Voilà un extrait du premier roman de Dekit, Mehdi et Badrou. Mehdi Meklat et Badruddin Saïd Abdallah, Burnout, c'est aux éditions du Seuil. C'est l'histoire, comment on peut le deviner en écoutant cette première page, l'histoire de quelqu'un qui va se donner la mort. Jamal Char, un chômeur de 43 ans, s'immole devant son agence Pôle emploi à Nantes-Est, car il allait perdre ses droits à l'indemnisation. Et tout le roman est construit comme un kaléidoscope. Tous les gens qui ont croisé sa vie, son destin, prennent tour à tour la parole pour raconter comment il vivait en Algérie, quels étaient ses rêves, comment il a quitté le pays, comment il retrouve cette femme qu'il a connue par Internet, par le chat, et comment il a perdu son rêve qui était celui de devenir artiste, clown, comment il va trouver un travail dans une usine et surtout comment il va perdre ce travail. Et c'est le désespoir un peu contemporain que vous racontez, vous deux, dans votre premier roman, alors que vous n'avez pas 23 ans. C'est une drôle de manière d'entrer dans ce monde littéraire. Effectivement, c'est l'histoire d'un homme qui s'est immolé devant le Pôle emploi, comme vous l'avez dit. C'est vrai ? Oui, ça c'est vrai. C'est un fait divers réel. Donc tout le monde en a entendu parler. Quand on raconte l'histoire de notre livre à des gens, ils disent « Ah oui, je connais cette histoire. » Parce que tout le monde a entendu un jour ou l'autre parler de cet homme-là, parler de cette histoire. Mais... Pour autant, c'est une fiction, c'est pas une enquête sur ce... Non, c'est pas une enquête, mais ce que je voulais dire, c'était que ce fait divers, il est passé comme tous les autres. C'est-à-dire qu'on l'a entendu une fois, et puis on est passé à autre chose. On est passé à un autre fait divers, on est passé à d'autres morts, on est passé à d'autres tragédies, etc. À d'autres immolations, même, parfois. Et puis, nous, on s'est arrêté à cette histoire-là. On s'est arrêté parce qu'on s'est dit, derrière cet homme, il y a une histoire. Comme derrière tous les faits divers. Mais celui-là nous a marqué plus qu'un autre, parce que il parlait du chômage, il parlait de l'immigration, il parlait de plein de choses qui étaient proches de nous, finalement. Je pense que tous ces gens, le kaléidoscope, comme vous dites, c'est des gens qu'on a rencontrés, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on a croisés, qui ont croisé nos chemins un jour ou l'autre, dans nos reportages, dans nos familles, dans nos amis, etc. C'est des gens, certes, qui sont pour la plupart désespérés. Parce que la force de ce premier roman, qui est très social, c'est que cet homme qui arrive en France, il est encore jeune, il a son rêve absolu, celui d'être sur scène, de travailler dans un cirque, d'être clown. Cet homme-là, il va se rendre compte que ce rêve est difficile à atteindre, mais pour autant, il va pas désespérer, c'est-à-dire qu'il va accepter que la vie est dure, Mais ce qu'il va chercher, surtout, c'est avoir une place, une reconnaissance. Parce que une fois qu'il est engagé comme ouvrier, il se retrouve. Hein, toute la scène où il a enfin son badge, enfin sa blouse est une scène assez touchante. Parce qu'on se rend compte qu'il est loin de son rêve, mais d'avoir trouvé une place, juste sa place dans la société, ça le rend heureux, non ? Je pense que c'est l'objectif de plein de gens qui malheureusement n'arrivent pas à atteindre ce moment-là. C'est-à-dire que c'est l'objectif de plein de gens d'être quelque part au bon endroit et entouré. Il y a plein de gens maintenant qui se retrouvent seuls au milieu de nulle part. Et lui, il est là, il est engagé dans une société, dans une usine, effectivement. Bon, il prend ça parce que on lui donne ça, il prend ce qu'on lui donne. Et on lui donne son badge. Son badge de travail, c'est une reconnaissance pour lui. C'est dire, je suis accepté parmi les autres. Je suis maintenant entouré. Je suis plus tout seul. Comment vous écrivez à deux, Badrou, Madi ? En fait, la question, on se rend pas compte, quelque part, Mehdi et moi, que l'on écrit à deux. Parce que qu'on a toujours fonctionné comme ça. On part de ce fait divers, on va imaginer tous les personnages qu'il a pu croiser dans sa vie, sa mère, son cousin qui va l'accompagner à l'aéroport, l'agent de la police des frontières qui va le recevoir, sa femme qui va connaître, l'ami de sa femme. C'est ça. Et après, vous êtes partagé les personnages parce qu'on ne voit aucune rupture de style dans ce roman. On a l'impression que vous étiez... que c'est une seule personne qui a écrit ce roman et pas deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les idées, elles venaient au fur et à mesure de l'écriture, les idées de personnages. Et ce qui s'est passé, par exemple, c'était moi, je préviens Mehdi que je vais écrire et que je vais faire tel personnage. Il va à tel moment de la trajectoire du personnage personnage principal du roman. Je l'écrivais, lui, il écrivait un autre personnage. Et puis, on se le lisait chacun à haute voix. Et puis on, comme à la radio. On en parlait, voilà, comme à la radio, c'est vrai que ça nous traverse, que ça nous poursuit encore ce truc-là. Et puis ce qui se passait aussi, c'était que je refilais mon chapitre à Mehdi me refilait le sien, et puis je pense que c'était vraiment un exercice, enfin l'exercice d'écriture, on l'a pris comme un exercice au jour le jour, comme disait Badrou, et pas quelque chose dans la durée. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça pouvait s'arrêter. On pouvait dire, bon, on a fini. Burnout, c'est édité au Seuil. Notre sélection des premiers romans de la rentrée continue demain, durant toute cette semaine. Une semaine marquée d'ailleurs par des grands prix littéraires. J'espère qu'un de ces jours en parlera de vous pour un prix. Là, vous choisissez effectivement trois questions pour avoir votre humeur du jour. Première question. Alors, j'ouvre le papier. C'est quoi pour vous une bonne odeur du matin ? Je dirais... celle de la lavande. Ah bon ? Ouais, parce que en fait, je me souviens d'une fois où je suis parti à la campagne et je me suis réveillé, c'était juste en face d'un champ de lavande. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite senti ça. Et c'était sympa. Badrou, deuxième question. Est-ce que vous dansez ? Je pense que dans l'idée de danser, c'est comme un bon démarrage dans une journée. Ça veut dire oui ? Oui, une journée où j'ai le temps de danser, c'est pour moi une journée qui se passe bien. Sur quoi vous dansez ? Ah, je peux danser sur... par exemple, aujourd'hui, j'ai dansé sur Erika Badu. Hier, c'était sur Franco Luambo, un chanteur congolais. Mehdi, troisième et dernière question. Quel événement récent a bousculé une ou plusieurs de vos certitudes ? Moi, c'est terrible à dire, mais au début de la saison, j'étais... je suis encore un tenace et un très bon supporter de l'OM. Et il faut dire que le départ de Bielsa bah, comme, comment on va dire, décomposé. Une question d'actualité. La semaine dernière, on a marqué les 10 ans de la mort de Zia Debouna. Est-ce que ça tient toujours une place dans votre mémoire, vous qui, bah, toujours, qui êtes jeune, ouais. Toujours. Toujours, parce que c'est à cause de cette tragédie que le Bondy Blog est né. Et c'est à travers le Bondy Blog qu'on est né. Donc je pense que c'est un élément central de nos vies. Cette mort et toujours en tête se dire qu'ils sont morts pour rien, qu'ils sont morts sans justice, parce que la justice n'a jamais été rendue, malgré les preuves, malgré tout ce qu'on a pu lire et entendre des policiers qui les poursuivaient. Donc toujours quelque part, oui. Enfin, demain, suite de notre série consacrée à la Seine-Saint-Denis, à partir du rap qui a été produit là-bas au fil des deux dernières décennies. Est-ce que le rap, vous continuez à le suivre, à l'écouter, à lui donner une importance autre que musicale, Badrou? Le rap, pour ma part, moi j'ai... Quelque part, je pense que mon amour de la langue aussi, lorsque j'étais très jeune, lorsque j'étais au collège, voilà. Et tout ça, c'était il y a 10 ans, quoi. Quand j'avais 13 ans, ouais. L'amour de la langue. Non, mais l'amour de la langue, pour moi, il est venu avec le rap. Avec des rappeurs comme Booba à l'époque, Rof, La Mafia Qu'un Fric, Kerry James. Donc c'était des... Ce qu'on oublie de dire aujourd'hui, c'est que le rap, c'est un jeu de rythme avec les mots. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on est dans une époque où le langage il s'appauvrit, où le langage on le maltraite, mmh. Le rap aussi il est comme ça aujourd'hui. Donc enfin moi je pense pas qu'il faut dire que c'était mieux avant ou pire aujourd'hui. On est juste dans notre époque, comme ça. Merci Mehdi, merci Badrou d'être passé. Vous nous faites la déjà ? Générique. C'était... Un autre jour est possible. Votre réveil culturel tous les jours de la semaine de... 6h à 6h30. Et quand vous voulez, avec le podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible. Une émission de Taoufik Hekem. Préparée avec la collaboration de Pascaline Bonnet. Prise de son. Éric Boisset. Réalisation. Thomas Duterre. Et demain, suite de notre série consacrée au rap avec Karim Amou. Et en deuxième partie, je recevrai Olivier Pie, qui lui aussi viendra nous parler de son cahier, son journal. Le journal de ses 17 ans, vous l'avez lu ? Non, on ne l'a pas lu, mais... Je vous le recommande. C'est cher. Si vous nous l'offrez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Thank you.